Les regards lâchent et ceux qui te lèchent sans contact. Marre des vieux gars vénères comme mon gros cul choquant je pète. Marre des foules perdues dans les rues le jour. Merde, marre des merdes, putain, marre de perdre mon sang froid. Marre des marres de salive crachées par terre. Marre des odeurs, marre des gaz, marre des haleines, marre des fraudeurs. Marre des putes et puis de leur tarper. Assez de baffes couler, passer son temps à se prendre le chou et se casser la gueule pour une phrase d'où tu ne t'es mal grave. Et je te ken et je vais te graver mon plat sur ton corps. Et marre des keufs qui te chauffent, marre des puces bondées. Encore et encore se faire gratter des unités par des faux types, rien que des nazes et des gros slips plein de gaz dont trop flip de leur daronne. Et malgré ça c'est l'unité mon cul, ouais. Fuck this people on my way. My way, and fuck those bitches every day, yeah. Fuck this niggas on my way, my way, and fuck these bitches every day. Marre du temps qui passe, pense mes blessures, des gens indifférents, marre des nazes dans les barrés, marre d'être de vivre derrière des barreaux, des fiers, lire la mort, marre des mots, marre des man, des mots de tête, man, marre de me répéter, marre comme gare, comme race, font les vrais, il est rare, rare, j'emploie le vocabulaire, air libre, vivre jeune, libre, c'est comme un crash sans collision, ou comme si avec l'âge j'avais grandi, qu'est-ce t'en penses, ai-je mûri le néo-plaid, rien à foutre si je suis la méchante bête ou l'idéal de tes mœurs, je suis, si on m'avait dit que ce ne serait pas avec l'âge que les choses t'arrangeraient. Le monde comme le destin, comme étrange, nous apprendrait que la vie comme un fléau, comme la mort consumerait. Mario, rares font les frais. Fuck these people on my way, my way. Fuck those bitches every day, yeah. Fuck these niggas on my way, my way. Fuck this niggas on my way, my way. And fuck this.